Les Alouettes de Montréal ont signé quelques agents libres cette semaine, ont également échangé Boris Bédé. On en parle avec notre collaborateur Pascal Masson. Salut Pascal. Salut Danny. Pascal, dans l'ensemble, comment tu as trouvé les changements faits par Danny Mathiosha, compte tenu qu'il y avait 300 000 de moins qui ont été, il l'expliquait cette semaine, qui ont été grugés par l'ancien directeur général Kevin Shree? Mais tu sais, c'est tellement un bon point dans ton introduction, Danny. On entend toutes sortes de commentaires en ce moment face aux libérations, aux acquisitions, aux transactions d'Danny Mathiosha, mais il faut comprendre qu'il y a des réalités qu'on n'a pas toujours tous les détails, dont celle que tu viens de dire qui est primordiale, qui est 300 000 de moins à la masse salariale. Ouais. C'est énorme quand tu as 5,3 millions et on t'enlève 300 000. Fait le pourcentage, là, c'est un bon défi. Puis à ça, là, il faut aussi rajouter que là, on vient de se retrouver avec un carrière numéro 1 qui a un salaire de carrière numéro 1. Ouais. Contrairement à l'an passé où on n'avait pas un carrière qui avait. On s'est dit qu'il y avait un carrière qui avait un salaire ouais. à la hauteur d'un carrière numéro 1. Donc là, encore là, c'est des sous supplémentaires qui sont allés à la masse salariale. Fait que c'est des réalités importantes qui font qu'on a dû se débarrasser de joueurs comme Tommy Campbell, comme Posey, avec des salaires importants. Donc, on peut juger le travail, mais il faut avoir toutes les informations. Et ça en fait partie. Oui, effectivement, effectivement. Il y a eu des signatures. J'en ai parlé avec un de lui qui a été signé, David Ménard. Il y a eu plusieurs anciens carabins. David, Pascal, je vais te poser une question. Toi, tu es un Québécois aussi. On dit souvent qu'au football, le Canadien, s'il repêcherait des Québécois, on dirait que jouer à Montréal, ça rend le joueur meilleur. Est-ce que c'est la même affaire pour le football avec les Alouettes? Ben moi, je suis convaincu que lorsque tu es repêché dans ta ville, dans ta province, dans ta ville natale, effectivement, ça donne un plus aux joueurs. Je veux dire, je l'ai vécu, j'ai eu l'occasion de jouer à Calgary, j'ai eu l'occasion de jouer à Montréal. Je dis pas que je suis devenu le meilleur joueur personnellement, mais j'étais plus en fin de carrière quand j'ai été à Montréal, mais j'ai connu beaucoup de Québécois qui ont eu la chance de jouer avec les Alouettes. Et ça rend les joueurs heureux dans leur quotidien. Puis une personne qui est heureuse dans son quotidien améliore son travail. Hein? Que ce soit un athlète, que ce soit quelqu'un qui est un gestionnaire dans la vie. Si tu es heureux dans ton quotidien, ça fait que ton boulot se fait plus facilement. Et puis je suis convaincu que ça l'améliore. Du moins certains athlètes, c'est sûr. OK. David Ménard, on va parler de David Ménard. Est-ce que David Ménard, parce que moi, je l'ai interviewé hier, c'est un gars qui vient de la région, c'est un gars qui avait été libéré par les Lions de la Colombie-Britannique, qui est revenu. Penses-tu qu'il peut connaître quand même un certain succès avec les Alouettes? C'est difficile à dire, hein, parce que là, David, il y a un certain kilométrage de fait dans la Ligue. Cependant, je connais quand même son talent et je sais que David a ce qu'il faut pour jouer dans la Ligue depuis plusieurs années. Est-ce qu'il y aura un impact comme partant? C'est sûr que là, ça, parce qu'il est rendu à un certain âge, puis là, je dis certain âge, c'est pas comme si il est si vieux, mais quand ça fait un bout de temps que t'es dans la Ligue, t'as plus de bobos, puis c'est le seul nerf de la guerre. S'il se blesse pas, il est en santé, ben il peut connaître un excellent camp d'entraînement puis avoir un impact sur l'équipe. C'est vraiment là que ça va jouer. C'est plus ça, là, les vétérans. On l'a vu avec Bowman qui, quand il est en santé, puis là, Bowman, on parle d'un joueur toute étoile. Là. Ouais. Effectivement, sauf que je suis convaincu qu'il amène une certaine profondeur, par contre, puis de l'expérience. Parce que, tu sais, David Ménard, c'est pas juste un Québécois, c'est pas juste un plus Canadien, c'est un gars qui a joué. C'est un gars qui a eu 10 kilométrages dans la Ligue, qui a connu son lot de succès. Donc, je suis quand même assez persuadé qu'il va être en mesure, s'il reste en santé, qu'il va être en mesure de tirer son épingle du jeu. OK. Donc, on va suivre ça de très, très près également. Il y a une transaction hier chez les Alouettes. Boris Bédé a été échangé aux Argonauts de Toronto. Boris Bédé qui a été échangé en retour de Tyler Caprera. Caprera, oui. Je voulais te savoir, Pascal, Boris Bédé, c'est... Oh. Il n'y a pas de doute sur son pied. Hein. C'est un pied très pesant. C'est un pied vraiment Mais par contre, surtout pour les beautés de placement, ça a été, tout au long de sa carrière avec les Alouettes, ça a été en dentiste, en montagne russe. Hein. Ben, tu sais, moi, je connaissais très bien Boris. J'ai été commentateur aux unités spéciales avec le Rouge et Or quand il était botteur. Donc, Ouais. j'ai une relation privilégiée avec Boris. Je le connais bien. Puis, effectivement, il a une jambe canon, Ouais, Boris. C'est un gentleman, c'est un super gars. Son plus gros défaut au niveau de la CFL, c'est que Boris comptait comme un joueur étranger. Donc, il comptait pas comme un joueur canadien. Donc, un autre fait très important, lorsqu'on a un botteur qui compte pas comme un canadien, mais ça l'enlève un poste de canadien. C'est quand même assez. La majorité des équipes ont des botteurs canadiens. Oui. Mais il a connu des hauts, des bas au niveau des placements. C'est arrivé. Par contre, c'est le fun d'avoir un botteur. Quand tu es en situation où tu as un placement d'au-dessus de 50 verges à faire, tu Ouais. sais qu'il y a la patte pour l'essayer, mais son pourcentage de réussite n'a pas toujours été idéal. Puis c'est un grand compétiteur, puis il serait le premier à dire qu'il veut toujours faire mieux puis à être parfait. Là, on a échangé un botteur contre un botteur, donc on est allé chercher surtout le ratio canadien, selon Ouais. moi, plus que. Belle. Je pense pas que l'échange, c'était en se disant on reçoit un meilleur botteur. C'était plus on change le ratio, là. Ouais. C'est mon feeling, en tout Mais là, on a engagé également un botteur qui est avec les. Qui est un ancien de la NFL, qui est Ryan Santoso, qui a évolué avec les Giants de New York, qui a joué avec les Lions de Détroit, les Jaguars de Jacksonville, les Steelers de Pittsburgh. Donc, j'écoutais Danny Machocha, il a mentionné que c'était un gars qui était capable de faire les deux, aussi bien botter de dégagement et botter de placement. Par décision. contre, c'est un Américain. Est-ce que ça peut jouer Ouais. contre lui? Ça va dépendre trop du ratio, Écoute. hein? Ouais, ben c'est ça, là. C'est parce que, tu sais, ce qu'on a fait du côté de Danny Machocha, c'est qu'on s'est donné l'opportunité d'avoir les deux ratios. Probablement que le botteur américain serait une valeur peut-être plus sûre pour les Alouettes. Mais ça va vouloir dire qu'il va falloir qu'il y ait des Canadiens qui soit en mesure de s'établir ailleurs, dans des positions des fois peut-être plus américaines, si on veut. Ouais. Donc, c'est quand même intelligent de garder ces deux options-là. Mais ça serait quand, tu sais, ça serait décevant d'un côté, par contre, de garder le ratio américain quand on avait le même ratio l'an Ben ouais, passé, là, ben ouais, mais tout effectivement. va dépendre des performances au camp, hein, ça c'est sûr. Ouais. Pascal, donc, on va suivre ça. Je veux te parler maintenant de la XFL. Je sais que t'as pas pu voir les matchs, tu as entendu parler. Par contre, tu as vu les commentaires. Comment t'as trouvé la première semaine, ce que t'as entendu là? Ben écoute, j'ai pas pu regarder les matchs au complet, comme tu dis. Ouais. Cependant, je me suis assuré de voir plusieurs highlights là, de différentes games. Écoute, hey, je suis quand même surpris. Je suis surpris dans le sens, ça a donné un bon spectacle, ça a donné du bon foot. J'ai l'impression que les équipes d'entraîneurs sont beaucoup plus solides, sont beaucoup plus préparés. On a eu droit à un bon spectacle. Certains règlements différents apportent de quoi d'intéressant. T'sais, on a parlé ensemble tantôt du botté d'envoi. Moi, je le dis, le kick-off, j'aime ça. J'aime ça voir comment ils permettent que ce soit pas un jeu gaspillé, t'sais, que ce soit un jeu qui va être joué, mais qui va être plus sécuritaire. Parce qu'on se rappellera que la NFL a changé le positionnement du ballon sur les bottées d'envoi pour éviter, dans le fond, qu'il y ait des retours. T'sais, il n'y en a presque plus de retours au niveau de la NFL. Puis c'est plate parce que c'est spectaculaire des retours. Mais en même temps, t'sais, tu descends à 40 verges d'élan, il faut que tu bloques un gars qui. T'sais, ça faisait fucking pas de sens au niveau de la sécurité des joueurs, surtout dans un moment où ce qu'on veut changer ces problématiques-là, puis de la sécurité pour le foot. Donc la nouvelle technique là, du botté d'envoi, moi j'aime ça. J'aimerais bien voir le tout. Bon, ça va peut-être être adopté. À d'autres niveaux. Moi, Ouais. ce que j'aime, c'est ce que j'ai aimé le plus, c'est la reprise vidéo. Puis Pascal, tu fais des matchs à RDS. C'est généralement, quand on fait appel au juge vidéo, on voyait pas les arbitres, on voyait pas le juge vidéo regarder et examiner le jeu comme tel. On savait Et juste analyser, et analyser le ouais. jeu. Et la XFL, on l'a vu, là. Et ça, je pense que Ouais. la NFL n'aura pas le choix l'an prochain de peut-être même ou des prochaines années d'imiter la XFL là-dessus, là. Moi, j'adorais ça, là. On voit tout Ouais, comment ça non, se passe, là. c'est effectivement. Puis tu sais, pour la personne qui est dans son salon, c'est toujours le fun d'avoir ces informations-là et de pouvoir permettre aux téléspectateurs d'apprendre et de comprendre la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Et ne pas juste penser que la décision a été renversée, pourquoi. Tu sais, c'est vraiment intéressant. Moi, c'est sûr que je pense que tu sais, la NFL va avoir une certaine pression pour certains règlements, mais il faut être patient parce que la NFL, c'est pas C'est une ligue conservateur. Non, non, c'est conservateur. qui change exactement. Moi, j'ai hâte de voir. D'après moi, c'est en fin de semaine qu'on va en savoir plus si le Gillo va pogner. Parce que la AF, l'année passée, ça avait très bien marché la première semaine. Les codes d'écoute avaient baissé la deuxième semaine à 50%. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis en fin de semaine, si les codes d'écoute sont bonnes, puis je pense qu'ils ont pas de problème d'argent. C'est ça, c'est la grosse différence. Puis ils sont diffusés, c'est des grosses centaines. Fait que ça, c'est une bonne différence aussi. Moi, je pense que le Gillo peut prendre. Si on reste à la limite de nos moyens, tu sais, passer de compétitionner à NFL, mais juste faire du football pour faire du football. Hein? Ben, tu sais, c'est là, tu sais, c'est un très bon point que tu amènes là parce que ils sont comme arrivés dans une bonne semaine. Disons, on a encore la piqûre du foot. On était en break pendant quelques jours. Là, on avait discuté, on avait de quoi à regarder encore. Ça va être le fun de voir si le monde, justement, ont regardé par curiosité parce qu'il avait encore faim ou. Là, on va savoir si le monde va le regarder parce qu'ils ont adoré le spectacle et ils veulent avoir plus d'informations sur ce qui s'en vient. T'sais. Ça va être une semaine quand même assez cruciale. Il y a de la place, il y en a du monde, il y en a des joueurs de foot, mais la réalité, c'est que ça coûte de l'argent et c'est comme tu as dit, ils ont peut-être les reins plus solides, là. Hey, dernier point, je vais te parler de Mark Trestman. Depuis qu'il est parti de Ah! Montréal, Mark Trestman, Ah. depuis qu'il est parti de Montréal, c'est difficile, hein? Même s'il a gagné une Coupe Grey à Toronto, là, ça n'a pas été facile. À Chicago, ça a pas été un grand succès. Baltimore s'est fait congédier comme coordinateur d'attaque. La semaine passée, c'est sûr que c'est un match, mais mon Dieu que son équipe avait pas de vie. Non, mais écoute, moi j'ai eu la chance de me faire entraîner par Trestman et c'est un des coachs avec qui j'ai appris beaucoup et que j'ai noté beaucoup de choses qu'il faisait, de la façon qu'il travaillait. Et puis je suis effectivement très surpris de voir ce qui se passe avec lui depuis les dernières années, là. Tu sais, quand il a gagné la Coupe Grey avec Toronto, je me disais effectivement pendant la saison, il n'a peut-être pas connu autant de succès, mais il avait réussi à mobiliser son équipe pour la fin de la saison, etc. Puis après ça a été un calvaire. Et puis après ça, dans la NFL également. Puis dans l'XFL, du coup, c'est encore trop de bonheur, là, mais le match la semaine passée, son équipe a pas sorti du tout, du tout, du tout. Je vais Non. le surveiller de près. Pascal, gros, gros merci. On se reparle dès que l'actualité chez les Alouettes le demande. Fait toujours plaisir. Notre ami Pascal Masson.